Qu'est-ce que t'en dis? Cette musique tous écrit, et ça manque de fiction, trop de réalisme. Ces idées préconçues, au sujet de rien, au sujet de tout, au traumatisme des victimes de la guerre, ceux qui souffrent en silence de ce qui leur est arrivé. C'est écrit ses malheurs, c'est écrit le bonheur. Dans cette ville, combien de gens comme nous peuvent crier comme...